If we stay C'était Marina Kay. Fusion FM. Oh. Johnny Depp arrive avec Dance the Night. On écoutera aussi les Pussycat Dolls, hein. Stéphane et Petit K. Et puis Purple Disco Machine et Combs avec Substitution. Il est midi. Fusion FM. Fusion FM. La météo. La météo. Un beau soleil cet après-midi pour l'Auvergne comme pour le sud Bourgogne et des températures en hausse puisque le thermomètre devra indiquer entre 24 et 27 degrés. There ain't no one replacing you. No, there ain't no one.

Le service patrimoine de la ville de Moulins propose une chasse au trésor vendredi 11 août, suivant la légende du trésor de la Buse à la maison de la rivière Allier. L'association Légende des Tours présente le spectacle vivant « La légende de l'ombre et de la lumière » au château de Bourbon-l'Archambault, vendredi 11, samedi 12 et lundi 14 août à 22h. Plus d'infos sur les réseaux et le site légendesetdetours.com. La paroisse Sainte-Marie-Mère de Dieu vous informe que les messes de l'Assomption seront célébrées lundi 14 août à 19h à Molinet, mardi 15 août à 10h30 à Saint-Martin-des-Laye et une procession aura lieu le 15 août à 20h au château de Beauvoir à Saint-Pourçain-sur-Bèbre. Dans le cadre des instants classiques de la Loire, la municipalité de Diou accueille l'orchestre d'Odeka pour un concert intitulé « Gaïa, notre terre » en l'église de Diou, mardi 15 août à 18h. L'Office du tourisme et du thermalisme de Bourbon-Lancy propose une visite « Histoire du nom des rues » avec le pays d'art et d'histoire du Charolais-Brionnais, lundi 14 août à 15h, une balade sur les traces des anciennes églises, mercredi 16 août à 15h, et une visite de l'église de Lem, jeudi 17 août à 15h30. Inscription au 03 85 89 18 27. Au plan d'eau des Ozières à Yzeure, une activité de beach volley ouverte à tous est proposée tous les mardis et vendredis à partir de 19h et jusqu'à la tombée de la nuit. La troisième édition des Estivales de la Photo se déroule tout l'été dans le centre-ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule sur le thème « Paysans du monde d'hier et d'aujourd'hui ». Le Rétromobile Club Dompierrois organise le deuxième goulot de Dompierre dimanche 17 septembre. Itinérance à la découverte des patrimoines roulants, architecturaux et culturels à bord de véhicules de collection. Tout véhicule d'avant 1990, auto, moto, poids lourd, tracteur et militaire peuvent s'inscrire en ligne sur le site internet rétromobiledompierre.situ.fr. Le comité des fêtes de Saint-Didier en Donjon organise son dîner jambon à la broche lundi 14 août à partir de 20h animé par le groupe HATS. Le comité des fêtes de Luzy dans la Nièvre organise sa brocante géante mardi 15 août dans le centre-ville réaménagé. Renseignements et inscriptions au 06 86 26 18 21. Les Ripailles du Pont du Diable de Toulon-sur-Arreau proposent les dégustations musicales estivales jusqu'au 13 août avec des concerts gospel. Vendredi 11 août à la salle des fêtes, Gospel and Live Harmony. Samedi 12 août à l'église Serge-Félix Chikaya. Et dimanche 13 août, concert de clôture à 20h30 à l'église de Toulon-sur-Arreau.

Bonjour à tous. 5 policiers de l'antenne marseillaise du RAID ont été placés en garde à vue ce matin dans le cadre de l'enquête menée par l'IGPN, la police des polices, sur la mort d'un jeune homme de 27 ans en marge des émeutes à Marseille tout début juillet. Ce dernier avait été retrouvé inconscient au guidon de son scooter devant le domicile de sa mère. Selon l'autopsie, sa mort pourrait être due à un tir de lanceur de balles de défense au niveau de son thorax. À Forbach, en Moselle, le procureur de la République invite à la prudence au lendemain de la découverte d'une femme de 53 ans qui dit avoir été séquestrée pendant près de 10 ans par son mari. Ce dernier, dont la garde à vue a été prolongée, continue de nier les faits, affirmant que sa femme est malade. Ces dernières heures, on a appris que celle-ci est atteinte d'un cancer en phase terminale. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, souhaite la dissolution de Civitas, une organisation catholique intégriste, une demande qui fait suite à des propos antisémites prononcés la semaine passée par l'essayiste Pierre Hillard lors de l'université du Mouvement en Mayenne. On pourrait avoir du mal à y croire, vu le temps de ces dernières semaines sur une partie de la France, et pourtant, le mois de juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète Terre, selon des données publiées ce matin par Copernicus, l'agence européenne chargée d'observer le climat. La moyenne mondiale en juillet, 16,95 degrés, soit 0,33 degrés de plus que pour le précédent record établi en juillet 2019. Il y a un quart à prendre pour les Bleus. L'équipe de France féminine de football affronte le Maroc aujourd'hui en 8e de finale de la Coupe du Monde en Australie. Coup d'envoi de la rencontre à 13h. En cas de victoire, les Bleus affronteraient le pays hôte de la compétition. Et puis on a appris ce matin la mort de Federico Bahamontes à l'âge de 95 ans. L'Espagnol était le plus ancien vainqueur du Tour de France encore en vie. Il fut le premier ibérique à remporter la Grande Boucle en 1959. A photo, eternalize this moment for the days when I don't believe, when our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. Whatever may come, somewhere deep inside, there's always this version of you and I. So just kiss me the way that you would if we died tonight. All the darkest moments, oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. What you carry so gracefully. Let this night invade my lungs, you're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time, yeah. Whatever may come, somewhere deep inside, there's always this version of you and I. So just kiss me the way that you would if we died. Beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Fusion FM. Talk about. We'll find out we're ready.

Vous venez de passer votre diplôme, l'armée de terre recrute dans plus de 16 domaines d'activité. Venez nous en parler en prenant rendez-vous sur s'engager.fr. Le conseil départemental de l'Allier anime les chaudes nuits d'été avec son festival de drones Bourdonnais en Bourbonnais. Dès la tombée de la nuit, chaque samedi soir au-dessus d'un plan d'eau d'une commune de l'Allier, 500 drones lumineux avec pyrotechnie embarquée dessineront dans le ciel des figures en 3D. Gratuit, c'est un spectacle unique et high-tech de 20 minutes à ne pas manquer. Prochain rendez-vous samedi 12 août à Pierrefitte-sur-Loire, au plan d'eau Le Bassin. Toutes les dates sur lumière-bourbonnais.com. Bonjour, c'est Jean Quiquempoix. 50% de remise, ça vous tente? En ce moment chez Toyota, sur le deuxième pneu acheté, bénéficiez de 50% de remise. Rendez-vous chez Toyota, Central Parc Automobile à Moulins et Montluçon. Fusion FM Sud-Bourgogne à Bourbon-Lancy, 95.9. Fusion FM Auvergne à Moulins, 94.3. FM La Palisse 87.9 87.9 Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, si t'es tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine.

rather be here thinking about the now, 'cause this breath could fade fast and this day could be your last. FM. Walking in my castle, it's the smile that you wore. Fighting in that battle till I head back to shore. J'avance, j'avance en automatique, ça finira par payer. J'ai jeté des bouteilles à la mer en attendant de te retrouver. And I've been way, way far away from home. And I've been way, way far off down. Loin des yeux, loin, loin, mais son cœur est de pierre. De nous deux reste rien que poussière. Most quiet things, wearing all my scars like the part of my wings. Mais où ont-elles filé les nuits qui vont passer ensemble? Je crois que l'été a pris avec lui ce qui me restait de toi. And I've been way, way far away from home. And I've been way, way far from them. Loin des yeux, loin. FM numéro 1 sur les hits. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Glass. Hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. Everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss

Fusion FM, l'info nationale et internationale.

FM. Fusion FM. Dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it, get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg, I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing, I feel like dancing, I feel like dancing, I feel like dancing, I feel like dancing, I feel like dancing, I feel like dancing, I feel like dancing, I feel like dancing. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click, I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg, I like to nod my head, I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Turn and turn and turn and turn and turn.